Bonjour, j'avais comme souvent quand on est sollicité pour ce genre d'exercice affiché dans ma proposition un programme ambitieux que le temps imparti ne me permet bien sûr pas de traiter. Donc je vais réduire le périmètre de ce que je vais dire en abandonnant la question de l'inscription territoriale des communautés dans la ville, que François Georgeon, ici présent, serait bien plus compétent que moi à traiter, pour m'arrêter sur les élites modernistes. Et parmi elles, je vais en l'occurrence spécifiquement aborder le cas des médecins. Les médecins permettent en effet d'illustrer les grandes scansions de la période. C'est une catégorie commune, banale, mais qui est très illustrative de l'histoire de ce long siècle. Ce faisant, donc, je m'inscris bien dans l'histoire sociale du Moyen-Orient, mais aussi dans l'optique de la question du concours, qui entend sortir de ce qu'on appelle la question d'Orient, c'est-à-dire des aspects essentiellement politiques liés aux enjeux des relations internationales, de l'histoire donc de cette région à cette époque, pour aborder d'autres aspects, et notamment les aspects sociaux. Il s'agit de porter le regard sur les sociétés du Moyen-Orient, sur la façon dont elles s'inventent à cette période, période de grands changements, où elles s'inventent en gérant la fluidité d'identités multiples dont la complexité remet en question les représentations dichotomiques qui dominent généralement et qui opposent Orient-Occident, tradition, modernité, colonisation, nationalisme, riche-pauvre, etc. L'histoire sociale est un champ que l'historiographie a beaucoup renouvelé au cours des dernières décennies, notamment grâce à l'apport de nouvelles sources et au désenclavement des sources. L'historiographie a donc conquis de nouveaux territoires, surtout dans le champ de l'histoire intellectuelle, en révélant, grâce à des travaux très approfondis, la vitalité et la variété des postures et des idées des penseurs, de la Narda notamment. Avec les médecins, on reste dans ce champ intellectuel, puisqu'ils sont le produit d'une formation supérieure de plusieurs années, sanctionnée par un diplôme. Ce sont donc des lettrés, ou plutôt des intellectuels, comme on commence à dire alors, et ils sont d'ailleurs largement participés au débat de la Narda, et ils ont même directement participé au champ littéraire. Comme en Occident, beaucoup de médecins sont en effet aussi écrivains ou poètes, mais, et c'est bien sûr ce qui m'intéresse particulièrement chez eux, ils sont aussi des praticiens, des hommes de terrain, des hommes mais aussi des femmes, quelques femmes du moins, à partir des années 1930, puis sensiblement plus après la Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes de terrain, à ce titre, engagés concrètement auprès des populations qu'ils soignent et qu'ils peuvent évoquer dans leurs écrits, leurs témoignages. Ils peuvent donc faire remonter, certes de façon indirecte, les voix des sans-voix de l'histoire. Donc à travers leurs pratiques, on est en lien avec une réalité sociale plus vaste que leur seul groupe social, et ils donnent une visibilité précieuse à ces secteurs sociaux populaires souvent peu audibles. Par ailleurs, ce sont des acteurs centraux du processus de modernisation volontariste, hein, de réforme engagée par l'Empire ottoman et l'Égypte, et plus tardivement et dans une moindre mesure par la Perse. Alors, à observer les indicateurs de santé, notamment la baisse continue de la mortalité et l'augmentation de l'espérance de vie durant cette période, on serait censé tenter de ne voir que la marche triomphante de cette modernité. Or, il faut se méfier de cette vision téléologique d'une conquête réussie de la médecine, vision téléologique qui n'épargne d'ailleurs pas l'histoire de la médecine européenne, longtemps présentée à travers une hagiographie des grands hommes et des découvertes, en négligeant les dimensions sociales et les ratés du processus de médicalisation. Donc, comme tout autre registre du social, la médecine et la santé sont un champ de lutte et de concurrence entre modèles, mais aussi entre individus, entre groupes. Or, en raison de leur place de médiateur, d'intermédiaire entre les structures du pouvoir d'une part et la société d'autre part, les médecins sont des acteurs sociaux relativement autonomes vis-à-vis de l'un et de l'autre, et ils sont en capacité d'agir et de penser l'action dans sa dimension individuelle et collective. On va donc observer ces médecins à trois moments qui permettent de voir la façon dont ils gèrent et manipulent les contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment en situation de domination coloniale, et comment ils mobilisent leur savoir pour agir dans la société. Donc, je vais revenir dans un premier temps au temps de la Genèse, hein, dans une période antérieure à ce siècle qui s'étend de 1876 à 1980, mais et il s'agit d'un retour rapide, mais qui est indispensable pour comprendre la genèse de ces élites professionnelles. Le mot genèse n'est d'ailleurs pas tout à fait juste en ce qui concerne les médecins, car la médecine dite moderne relève de la même généalogie que la médecine arabe, mais elle a considérablement évolué en Europe depuis le XVIIe siècle, tant du point de vue de la connaissance scientifique que du modèle professionnel, alors que de son côté, la médecine arabe, si inventive au Moyen-Âge, s'est sclérosée depuis lors, n'apportant du moins plus d'innovations notables. Donc, même si médecine européenne et médecine arabe puissent aux mêmes racines de la médecine grecque, il n'y a pas de rupture nette de modèle au moment du transfert, mais il y a eu un espacement du devenir historique de ces deux médecines. Le processus de transfert d'une médecine qualifiée de moderne ou européenne par les acteurs de l'époque est quasi simultané en Égypte et dans l'Empire ottoman. Sur la base d'une volonté du pouvoir central, dans une optique tout à fait pragmatique, les sciences européennes, et cela vaut aussi pour les autres sciences, compris par exemple les disciplines techniques de l'ingénieur par exemple, sont considérées tout simplement comme plus efficaces que l'état du savoir au Moyen-Orient en ce début du XIXe siècle, et doit donc être mobilisée en vue de la modernisation et des réformes à apporter à l'Empire ottoman. Alors, dans le contexte ottoman comme dans le contexte égyptien, c'est d'abord l'armée qui est garante du pouvoir politique, qui bénéficie donc en premier lieu de ces réformes. En fait, dès la fin du XVIIIe siècle à Istanbul, on assiste à la création des premières écoles dites supérieures, de type moderne, dans le cadre militaire, et ces premières écoles à caractère donc, militaire, technique, polytechnique en l'occurrence, vont devenir plus nombreuses à partir du début du XIXe siècle et être aussi, donc prendre la forme d'écoles de médecine. Alors, en Égypte, on doit donc la création de la première école de médecine à l'initiative du vice-roi Mohammed Ali, que vous voyez là avec sa barbe blanche. Et Mohammed Ali, gouverneur puis vice-roi d'Égypte, a entrepris de façon très volontariste toute une série de réformes. En ce qui concerne la santé, l'armée égyptienne sur laquelle il comptait pour asseoir et étendre son pouvoir était régulièrement ravagée par les épidémies, en particulier de peste, puisque la peste a disparu en Europe depuis la dernière incursion de la peste de Marseille en 1720, mais elle existe de façon encore très très prégnante au Moyen-Orient. Et en 1824, son armée se trouve durement touchée par une nouvelle épidémie de peste. Et donc c'est à ce moment-là que Mohammed Ali décide de faire appel à des compétences françaises, en l'occurrence. Donc il fait appel à un recrutement de médecins français, un appel d'offres, en fin de compte, pour faire venir des médecins français qui viendraient l'aider à protéger son armée du péril des épidémies. Alors il y a une poignée de médecins marseillais qui répond à son appel d'offres, et parmi eux, un médecin autodidacte, mais qui donc a été formé à l'Université de Marseille, qui s'appelle Antoine Barthélémy Clos, plus connu ensuite sous le nom de Claude B, qu'on voit ici à la droite de Mohamed Ali. Claude B prend la direction d'un service médical de l'armée. Il fonde un hôpital moderne, selon des plans qui sont aussi tout à fait inspirés de l'architecture médicale qu'elle se développe à cette époque-là en Europe. Et surtout, il fonde une école de médecine afin de pérenniser ce nouveau système de santé, ce qui est d'assurer la pérennité, mais il faut former des gens sur place. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on part de rien. Il y avait évidemment un système de transmission d'un savoir médical hérité de la grande tradition médicale arabe. enseigner donc ce qui se fait désormais en Europe et qui a évidemment beaucoup évolué depuis le XVIIe siècle, eh bien, il faut trouver des solutions. Donc, en fait, on va dans les coups d'âme, dans les écoles religieuses, où on apprend la mémorisation du Coran, on repère des jeunes garçons qui ont l'air un peu plus éveillés que les autres, et puis hop, on les expédie à l'école de médecine du Caire, où, grâce à un système de traduction simultanée, parce qu'après il y a évidemment le problème de la langue qu'il faut dépasser, donc on arrive à former ces premières cohortes de médecins en leur apprenant le français aussi, ce qui leur permettra ensuite de pouvoir suivre l'enseignement en français. Mais dans le même temps, Claude Bénard arrivait avec des valises pleines de bouquins de médecine de l'époque français et qui sont traduits en arabe. Donc il y a une mobilisation extrêmement importante, appuyée tout à fait par Mohamed Ali, pour implanter cette médecine moderne, y compris en introduisant des innovations parfois difficiles à faire passer, comme c'est le cas par exemple de la dissection, ici sur un esclave noir, mais donc qui entraîne des discussions vives de la part des conservateurs, des musulmans, des oulémas musulmans conservateurs. Mais disons qu'il y a, c'est une épopée assez impressionnante en l'espace de très peu de temps, l'Égypte est capable donc de produire les premières promotions de médecins qui sont de plus envoyés pour un complément de formation en France. Alors c'est aussi en 1827 qu'est fondée à Istanbul l'école de médecine, qui est également confiée à des enseignants français et italiens. Au départ, cette école a aussi une vocation militaire, et puis elle est rejointe en 1867 par une école civile de médecine, également à Istanbul, et également par deux facultés de médecine missionnaires, c'est-à-dire qui sont implantées à Beyrouth, en l'occurrence, par des missionnaires protestants en ce qui concerne le Sierra Protestant College, qui est l'ancêtre de l'Université américaine de Beyrouth, et qui ouvre en 1867 également une école de médecine, et puis l'Université Saint-Joseph, qui est aussi donc là, une université ouverte par les jésuites, toujours à Beyrouth, qui en 1883 inaugure également une école de médecine. Alors donc, il y a un dispositif de formation déjà important, et qui évidemment implique de transmettre un savoir scientifique, mais pas seulement. On acquiert aussi dans ces écoles supérieures, alors moi je parle de la médecine, mais il y a aussi polytechnique, enfin il y a d'autres écoles supérieures qui sont implantées à la même période, on n'y apprend pas seulement un savoir scientifique, mais on y fait aussi l'acquisition d'un statut social nouveau, celui des élites modernistes. Et je prendrai qu'un exemple, celui des règlements des écoles égyptiennes de 1832. Alors, à ce moment-là, il y a aussi l'implantation d'écoles primaires et préparatoires, donc les cycles inférieurs qui sont destinés à former des jeunes qui pourront rejoindre ensuite ces écoles supérieures. Eh bien, dans le règlement des écoles primaires et préparatoires, c'est-à-dire le niveau plus bas, les élèves prennent, je cite, leur repas à la turque, c'est-à-dire assis par terre d'ailleurs, et dorment sur des nattes, c'est-à-dire selon les schémas locaux, alors que les règlements des écoles supérieures disent que les étudiants qui sont dans ces écoles supérieures, étant l'école de médecine, prennent leur repas à l'européenne, c'est-à-dire à table, et dorment dans des lits munis de draps et de couvertures. Donc vous le voyez, il y a aussi l'apprentissage de nouvelles normes, de nouveaux usages du corps, la construction d'une image, d'une identité sociale qui réfère enfin à une bourgeoisie occidentalisée. Donc de cette première époque, on arrive en 1876 à une situation où on est face à un milieu professionnel déjà formé, parfaitement opérationnel, avec des niveaux de formation équivalents à ceux de l'Europe, même s'ils sont en nombre insuffisant, ce qui implique par ailleurs le recrutement de nombreux médecins étrangers qui vont dans le cadre administratif égyptien ou ottoman. Alors ce sont des expats, comme on dirait aujourd'hui, qui qui répondent à des appels d'offres et ils sont inclus enfin, dans l'administration locale, ce qui explique le port du uniforme ottoman de la part de Claude P, par exemple. Et donc, le milieu de la médecine, c'est un de ces milieux du coup, d'interception, de cosmopolitisme, alors externe, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'il est en relation avec des étrangers, mais aussi interne, puisque le milieu médical est lui-même très représentatif de la grande diversité confessionnelle, en l'occurrence ottomane, avec des surreprésentations des minoritaires, juifs et chrétiens en particulier. Alors, juste un mot pour de comparaison avec l'Algérie. On a vu que les écoles de médecine d'Istanbul et du Caire ouvrent en 1827. En Algérie, deux ans après la conquête française, en 1832, les Français ouvrent une école de médecine aussi à Alger, donc à peu près dans les mêmes temps. Sauf que le premier diplômé indigène musulman, il sort que dans les années 1880. Donc il y a un décalage en dépit de l'existence d'écoles de médecine des à la même époque, il y a un décalage important sur la formation donc, de ces élites professionnelles. Deuxième temps, c'est celui de la réforme et du nationalisme. Ces médecins donc, qui ont été formés par le nouveau système d'enseignement sont bien sûr mobilisés pour conduire les réformes qui sont impulsées par le pouvoir central. L'Empire ottoman, donc je l'ai dit, avait dans un premier temps privilégié l'armée, et puis plus tardivement, à la fin du XIXe siècle, il y a une offensive en direction de la population, en l'occurrence à la période hamidienne, donc de la période du règne du sultan Abdul Hamid II. Et ce développement de l'offre de soins se fait beaucoup en parallèle avec le développement des municipalités, on a aussi parlé tout à l'heure, et qui sont effectivement des vecteurs importants de la modernisation au niveau local. Et donc les municipalités qui sont compétentes en matière de santé et d'hygiène publique sont à ce moment-là donc tout à fait opérationnelles pour diffuser cette offre de soins. Et les médecins qui en ont la charge sont nommés donc, par les gouverneurs ottomans et font partie du conseil municipal, donc sont des individus clés du fonctionnement municipal. Alors, beaucoup de médecins à l'époque sont employés dans le service public, mais il y a aussi certains d'entre eux qui, soit conjointement, soit exclusivement, exercent aussi dans le privé. Et donc cet effort dispensé par le sultan Abdul Hamid II vise aussi à rééquilibrer l'offre de soins en direction des musulmans, les minorités bénéficiant de façon plus importante du dispositif sanitaire implanté par les missions religieuses. Donc on a vu tout à l'heure que les missionnaires, les missions religieuses sont importantes dans l'implantation de l'enseignement scolaire. Il est aussi dans les structures de soins, beaucoup d'hôpitaux sont surtout dans les grandes villes de l'Empire ottoman, des fondations missionnaires qui bénéficient, même si c'est ouvert à tous, qui bénéficient préférentiellement aux communautés qui sont proches de ces missionnaires. Donc une volonté délibérée de la part du sultan de la ville de développer l'offre de soins, y compris donc pour sa population musulmane, et pour aider, renforcer le nombre des médecins qui sont destinés au service public de santé, est ouverte une nouvelle école de médecine ottomane en 1903 à Damas. Au Caire, en Égypte, la situation de développement est antérieure à cette époque hamidienne, puisque c'est dès 1840 que Claude B, donc toujours notre camarade marseillais Claude B, a lancé, outre donc la fondation de l'école de médecine, il a dès 1840 implanté un système pyramidal de santé publique civile qui va du grand hôpital dans la capitale au médecin, ce qu'on appelle le médecin de Marcase, celui qui travaille dans un district rural, puisque l'Égypte est effectivement un pays essentiellement rural, D'où l'intérêt effectivement des médecins aussi de nous faire d'être en contact avec cette population rurale dont on disait tout à l'heure qu'elle recevait peu d'échos. Donc ces médecins sont vraiment des, comme plus tard en Chine on a parlé des médecins au pied du, sont des gens qui sont envoyés donc sur le terrain, ils vivent quand même dans les villes, les petites capitales de province, mais qui partent à dos d'âne pour soigner les paysans dans un périmètre assez vaste, ce qui permet de diffuser dès le milieu du 19e siècle avec l'aide des barbiers. C'est-à-dire que les médecins ne sont pas assez nombreux, donc on a recours aux barbiers, puisque les barbiers, comme en Europe, hein, ceux qui s'occupent de la barbe et des cheveux, s'occupent aussi de la petite chirurgie. C'est eux qui sont les plus compétents et qui sont donc mobilisés par la médecine moderne comme, pour s'associer donc à cette médicalisation, en l'occurrence les campagnes. Et grâce à donc, ces médecins de terrain et ces barbiers, il y a donc des règles d'hygiène et la vaccination antivariolique en l'occurrence, qui permet dès la moitié du 19e siècle en Égypte d'assister à un début de croissance démographique qui était jusqu'alors nul. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui avec les conditions démographiques actuelles. Mais il faut voir que l'Égypte du 19e siècle, et de façon générale toute la région, est stagnée d'un point de vue de démographique. Par contre, en Égypte, dès la moitié du 19e siècle, puis un peu plus tard, donc à la fin du 19e siècle ailleurs, on a une croissance démographique qui s'explique justement par une baisse de la mortalité liée aux progrès médicaux. Alors, en Égypte, le milieu médical qui était donc à la fin du 19e siècle arrivé à un statut, à une position de prestige social déjà importante pour exister depuis un demi-siècle. Ils sont, pour certains enseignants, enfin les enseignants, même s'il y a toujours des enseignants étrangers, maintenant la majorité des enseignants sont des Égyptiens. Ils ont connu des formes d'ascension sociale assez fulgurantes. Mais à cette époque, et en l'occurrence en 1882, leur élan professionnel est coupé par l'intrusion de la colonisation. Et puisque donc, l'Égypte est occupée par la Grande-Bretagne en 1882, et les Anglais, en dépit de l'existence en fait, ancienne et pionnière même de ce système de santé cohérent en Égypte, eh bien, les Britanniques s'attachent à le disqualifier pour mieux imposer leur propre programme de santé publique, qui est orienté vers une médecine sentinelle des épidémies, c'est-à-dire que la médecine imposée par le colonisateur, c'est celle de surveiller l'éruption éventuelle d'une épidémie. Donc on exerce dans une situation de pénurie, ce n'est pas la priorité la médecine. Donc il y a très peu de budget qui est consacré à ça. Il y a un très faible recrutement à l'école de médecine. On maintient un taux de sortie très, très peu important, considérant qu'on a juste besoin de médecins pour surveiller la question des épidémies. Donc les médecins, les Britanniques imposent donc une formule médicale qui est essentiellement orientée contre le contrat. Sur une médecine sentinelle des épidémies, ils imposent aussi leur langue, l'anglais, alors que l'enseignement médical, après avoir été en français à l'origine, était passé à l'arabe, et donc là, avec la colonisation, l'anglais qui devient langue d'enseignement. Or, dans l'Égypte, d'après la Première Guerre mondiale et surtout du premier traité d'indépendance en 1924, les médecins égyptiens, qui ont été donc marginalisés par le système colonial britannique, commencent, grâce donc à ce premier traité d'indépendance, à s'imposer dans des postes de responsabilité, tout en déployant, et c'est surtout le rapport, avant d'être un apport politique de lutte nationaliste, c'est un apport scientifique qu'ils vont apporter, puisque ils cherchent à dénoncer l'inadaptation de la politique de santé britannique Et pour ce faire, donc, ils font des enquêtes auprès de la population qu'ils soignent, et leurs travaux révèlent une situation sanitaire de l'Égypte particulièrement dramatique, surtout en milieu rural, puisque dans la société rurale égyptienne, on compte 70 à 80% de la population qui est touchée par la bilharziose, une maladie parasitaire qui entraîne des conséquences graves. Là, c'est une affiche sur la Côte d'Ivoire, mais c'est voilà, pour montrer le cycle de la bilharziose. On l'attrape en aidant les pieds dans l'eau, tout simplement. Or, en Égypte, vous le savez, le système d'irrigation fait que les paysans travaillent essentiellement les pieds dans l'eau. Système d'irrigation, justement, qui est aussi lié à la modernisation, puisqu'il a été développé au XIXe siècle par l'initiative de Mohamed Ali, en l'occurrence. Donc, une situation où la quasi-totalité de cette population rurale est infectée par les parasites intestinaux, le trachome, hein, qui occasionne la cécité, hein, très, très répandue en Égypte. Et pour vous donner une idée rapide des conséquences néfastes de ces pathologies, seuls 4,5% des jeunes gens en âge de servir sous les drapeaux chaque année sont déclarés aptes. Donc la majorité d'entre eux, en fait, sont refusés pour cause de faiblesse due aux maladies parasitaires. Et donc les travaux, les statistiques, les études épidémiologiques qui sont menées par ces médecins égyptiens dressent le portrait, en fait, d'un fellah, d'un paysan victime du triangle sinistre de la pauvreté, de l'ignorance et de la maladie, qui est donc le paradigme par lequel s'exprime alors l'arriération de la société égyptienne. Et placés donc aux premières loges, les médecins sont sans doute les meilleurs observateurs, et aussi ceux qui, avec d'autres professions supérieures, vont essayer justement d'entraîner la réforme vers le milieu rural. Et en l'occurrence, il y a toute une, dans les années 1930-1940, dans le contexte nationaliste toujours, puisqu'il s'agit pour les Égyptiens de démontrer aux Anglais leur capacité à prendre eux-mêmes en charge le processus social et politique par lequel donc l'Égypte sortira de son aberration. Donc il y a une entreprise qui est beaucoup plus intellectuelle, malheureusement, que pratique, puisque il y a beaucoup de projets qui vont être établis sur le papier. Peu vont être suivis des faits, mais parmi donc ces projets de réforme, on trouve celui de la réforme du village égyptien, devient le nœud un petit peu de la réforme. Et en fait, l'habitat égyptien est si éloigné des règles d'hygiène et des normes de civilisation, hein, telles qu'elles sont comprises par ces réformistes, que ceux-ci envisagent rien moins que de l'éradiquer au profit d'un modèle nouveau. Donc là, vous avez, c'est la description d'un village égyptien où on peut lire en fait toute cette distance sociale qui sépare les médecins, tout convaincu qu'ils soient, hein, de la nécessité de la réforme, et les paysans. Donc une situation qui est si éloignée des normes qu'on a cette tentation de l'éradication, hein, de construire, d'éliminer en quelque sorte les villages tels qu'ils existent, et puis d'en construire un côté de nouveau, moderne, doté de l'eau courante et du tout à l'égout. En réalité, les expériences ne sont pas allées au-delà de la construction de quelques villages pilotes, mais certains principes donc, qui ont guidé la réflexion de ces réformateurs des années 30-40 ont été ensuite reprises par le gouvernement brasilien, donc post-indépendance, qui a cherché à changer l'échelle de la réforme, c'est-à-dire à la diffuser effectivement à l'ensemble de la population. Ce qui m'amène donc à mon troisième point, dans lequel on voit qu'il n'y a pas de rupture nette entre la période coloniale et les indépendances, puisque donc les indépendances, c'est précisément le moment où l'on pense possible de réaliser enfin la réforme rêvée est largement construite sur le papier, donc, et dans les imaginaires, depuis les débuts de ce mouvement de Darda, de renaissance intellectuelle, mais dont la réalisation concrète a souvent été poussée par la priorité accordée à la lutte nationaliste. Donc je vais aborder très rapidement, parce qu'il me reste 5 minutes, le dernier temps qui est celui des indépendances. On a vu que les médecins donc sont actifs dans le champ de la réflexion, ils le sont aussi dans le champ de la politique. Les médecins sont très souvent engagés dans les mouvements nationaux, en l'occurrence, alors quelques figures célèbres que vous allez croiser, par exemple le docteur Charanda en Syrie, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc une véritable conviction de cette capacité justement de ces élites professionnelles, nées dans le contexte de la réforme du 19e siècle, après l'épreuve coloniale, de prendre en charge donc le devenir de leur propre société. Ce qui est possible dès lors qu'on parvient aux indépendances, ce qui est le cas donc après la Seconde Guerre mondiale. Et ces indépendances déclenchent partout, hein, quelle que soit l'idéologie sur laquelle reposent les nouveaux États nationaux, hein, qu'ils soient progressistes ou conservateurs, il y a un investissement énorme dans le domaine de la santé, où effectivement la santé comme l'éducation deviennent les symboles du progrès social et une source privilégiée de légitimation pour ces nouveaux États. Donc, dans la plupart de ces États nés des indépendances, il y a des politiques volontaristes d'envergure, le développement de services publics, le droit à la santé est inscrit dans les constitutions. Il est, dans la mesure du possible, offert concrètement, souvent gratuitement, et ce, à tous les échelons de la société, notamment au milieu rural, qui est longtemps délaissé et qui, après les indépendances, on note toujours l'état de santé extrêmement délabré. Tous les pays se lancent dans ce type de grandes opérations de mise à disposition d'une santé publique gratuite. L'Égypte la Syrienne, hein, qui entreprend la couverture extensive du pays, mais avec un problème récurrent qui est que ce type de pratique en milieu rural auprès d'une population souvent analphabète, très pauvre, rentre en contradiction avec l'image sociale dans laquelle la profession médicale s'est construite depuis le début du 19e siècle, et qu'il y a une véritable difficulté à pourvoir en fin de compte ces postes surtout en milieu rural. D'où la nécessité de l'obligation hein, de servir pendant 2 ou 3 ans en milieu rural de façon à pouvoir justement apporter cette aide aux populations les plus exclues. La même chose dans les années 50-60 en Syrie, hein, où il y a une amélioration considérable de l'offre de soins gratuites et partant des indicateurs de santé. L'Iran rejoint aussi le même phénomène avec la révolution blanche des années 1960, où l'Iran donc met en place une armée de la santé, comme il y a par ailleurs une armée scolaire hein, qui, encore une fois, là, est invitée à venir dispenser donc au plus profond de la société l'offre de soins et l'offre d'éducation. Mais là encore, elle permet à mobiliser que 300 médecins, ce qui est fort peu, et on est encore là face à cette difficulté de la pratique médicale en contexte de grande pauvreté et d'isolement géographique, donc un hiatus entre la construction sociale de la profession et sa vocation sociale, hiatus qui n'est pas exclusif de ces régions, parce qu'on les trouve d'ailleurs de plus en plus, de façon de plus en plus évidente en Europe. Dans le même temps, il y a aussi un effort de formation des médecins, les facultés de médecine sont multipliées par 10, donc il y a une intégration importante, avec toutefois et là on retrouve on retrouve cette construction par le haut, où si on fabrique beaucoup de médecins, on fabrique très peu de catégories intermédiaires, paralyticales, ce qui est une lacune énorme pour justement la mise en place de cette médecine à la base. Et surtout, le problème, c'est que dès les années 1970, cet effort qui a été consenti après les indépendances s'essouffle déjà, y compris dans les pays les plus progressistes. En Égypte, par exemple, le budget de la santé qui avait enregistré en 1965 un taux record avec une participation de 5% du budget de l'État chute à 1,1%. Donc une baisse qui est généralisée, liée à un manque de volonté politique et aussi à à la difficulté à gérer un système devenu pléthorique où en fait un budget désormais très, très peu important sert essentiellement à faire fonctionner le système, à payer le personnel fonctionnalisé au détriment des investissements, ce qui fait que dans ces conditions, évidemment, ce système de santé qui avait été le fer de lance de la modernisation périclite n'offre aux catégories pauvres qu'un service extrêmement dégradé qui bientôt va être rejeté par ces catégories qui se retrouvent dans ensuite le contexte de la libéralisation post-années 80 va se retrouver donc dans une espèce de vide de l'offre de soins. Donc il s'agit sans doute d'un échec, mais c'est surtout une forme, une baisse de forme, hein, comme il y en a eu d'autres au fil de l'histoire. Et puis après, on recompose autour de nouveaux objectifs et de nouveaux projets de construire une médecine juste, qui est encore d'actualité, mais on voit bien, donc, surtout donc, dans cet exemple-là, la porie entre la santé, la médecine, qui est à la fois donc, un héritage des réformes construites par le haut, et les nécessités sauvages, les nécessités sociales d'une offre sanitaire qui, elle, doit rencontrer une population souvent donc, très pauvre, démunie, analphabète, et qui vit dans les campagnes profondes. Celle d'entre vous qui souhaite poser une question. Vous avez bien mentionné cette nouvelle élite médicale qui se crée. Vous avez dit qu'il y avait avant un ancien milieu social qui s'occupait déjà de médecine et d'autres formes de médecine. On va savoir quelles ont été leurs relations, est-ce qu'il y a des conflits, est-ce qu'il y a un remplacement, est-ce que ces gens-là se sont formés à une nouvelle forme de médecine. Et c'est aussi une deuxième question. Est-ce qu'il y a des résistances à l'instauration d'une médecine européenne vis-à-vis de dans le peuple, dans la population, des résistances culturelles, des résistances sociales? Alors pour ce qui est de la première question, alors je l'ai zappé là parce que je prends des questions de temps, mais évidemment ce qui s'est passé, c'est que toute tentative d'implantation d'une médecine nouvelle entraîne la volonté d'écarter le reste, et en l'occurrence, alors moins tant la médecine savante qui était, alors bon, il y avait encore des médecins qui recevaient ce qu'on appelle l'ijaza, c'est-à-dire la reconnaissance d'une formation dans le système traditionnel de la formation, c'est-à-dire qu'on allait se former auprès des maîtres et on obtenait donc une ijaza. Donc ça, il s'était déjà tellement c'était quand même devenu assez marginal, surtout en Égypte, moins dans l'Empire ottoman, à cette période-là. Donc les médecins se sont, par rapport à cette catégorie de médecine scientifique arabe, se sont rapidement imposés. En revanche, la médecine traditionnelle, qui est une des dérivations en fait de cette médecine arabe savante, elle a évidemment, on a tenté de l'éradiquer au fur et à mesure de la construction de cette médecine moderne, mais elle a toujours, et jusqu'à aujourd'hui, elle perdure bien sûr, et les gens en fait ont recours à de multiples offres de soins concurremment ou successivement, hein, quand ça n'a pas marché chez l'un, on va chez l'autre, etc. Donc effectivement, la médecine, même s'il y a, surtout dans les années 30, des grosses entreprises de propagande auprès justement dans les villages, etc., pour essayer de déconsidérer la médecine traditionnelle, on n'a jamais parvenu évidemment à l'éradiquer. Donc voilà, pour la première question, évidemment la médecine traditionnelle continue et jusqu'à aujourd'hui à exister. Mais le recours aux médecins modernes est désormais évidemment celui qu'on privilégie. Si on a les moyens, c'est évidemment vers le médecin moderne qu'on va aller parce qu'il est jugé plus efficace. Il est jugé plus efficace aujourd'hui, mais effectivement, au départ, ça n'a pas été si simple que ça, et qu'il y a eu des phénomènes de résistance qu'il ne faut pas prendre comme un cas spécifique de cette région, puisque si on pense à la vaccination antivariolique, par exemple, il y a eu en Europe, en France comme ailleurs, des résistances très importantes des populations contre l'imposition de la vaccination variolique, antivariolique, qui est considérée comme une atteinte importante au corps. Et donc on a le même type de résistance, alors qui s'est d'abord manifesté surtout en Égypte à l'armée, parce que la médecine, elle se fait dans des conditions un peu autoritaires, c'est-à-dire que ce que met en place le système de santé qui est mis en place au début du 19e siècle, c'est aussi un système qui vise à lutter contre les épidémies avec des systèmes coercitifs de contrôle, d'enfermement, etc., etc. Et toutes ces modalités qui privent les individus de leur liberté, évidemment, suscitent toujours des formes de résistance importante. Pour la vaccination antivariolique, les gens craignaient, comme elle a été diffusée au moment aussi de la diffusion de la conscription, les gens craignaient que ce soit une marque faite sur leurs enfants, de façon à les repérer pour la conscription, par exemple. Donc, ce qui a effectivement provoqué dans les campagnes égyptiennes en particulier des mouvements de résistance assez importantes. Et puis, bon, bah, finalement, après là, on est dans une histoire longue aussi, puisque c'est une date précoce, hein, qui correspond à la temporalité de la diffusion de la vaccination antivariolique, par exemple, en Europe. Donc, on assiste au même type de phénomène et finalement à le même processus d'acceptation, finalement, qui s'inscrit dans le temps. Par rapport aux professions modernes, magistère, ingénieur, avocat ou médecin, est-ce que la médecine serait plus marquée profession plus ou moins minoritaire ou pas? J'ai évoqué la comparaison avec un prix avant 1882, qui comprend les Européens, les Français, mais aussi les autres minoritaires. Et dans les écoles ottomanes de médecine, hein, du moins, au début, elles sont ouvertes qu'aux musulmans, mais à partir du moment où les écoles sont ouvertes aux minoritaires, ils deviennent très rapidement, on connaît bien le cas égyptien, avec l'importance disproportionnée des coptes dans la formation médicale, parce qu'effectivement, c'est un processus de construction sociale, de réussite sociale qui est très très sensible chez les minoritaires, qu'on rencontre effectivement de façon disproportionnée par rapport à leur nombre réel dans la population. Alors après, je ne sais pas, faudrait voir par rapport à Polytechnique s'il y a des chiffres, je pourrais les retrouver pour la médecine parce que je l'avais travaillé à l'époque. Je ne sais pas si Hélène a l'homme sur son. Sur les ingénieurs, a pu faire le même type de repérage, mais ce serait intéressant de vous parler, effectivement. J'aurais une question. À vous écouter, on a l'impression que les formateurs étaient des hommes, les formés étaient des hommes, et donc les soignés étaient des hommes. Ou est-ce qu'il y a aussi une médecine qui forme des étudiantes en médecine, futurs médecins, pour soigner aussi les femmes? Alors oui, il y a en Égypte, enfin c'est surtout en Égypte qu'il y a l'expérience particulière qui a été lancée effectivement par Rodbé aussi, c'est de mobiliser les dayas, donc on parlait de médecine traditionnelle. Les dayas sont des accoucheuses traditionnelles, donc qui opèrent, qui accouchent, les femmes, toutes les femmes passent par les mains des daïas, de ces accoucheuses traditionnelles. Et donc, il y a eu une école de formation des daïas, c'est-à-dire qu'on les a intégrées dans une école de formation pour leur apprendre des règles élémentaires de l'hygiène, etc., de façon à ce qu'elles pratiquent dans des conditions moins dangereuses leur profession. Donc, dès le 19e siècle, il y a eu cette fondation, cette école de daïa, mais qui n'a pas été pérenne, en l'occurrence. Et ce n'est après que... C'est un peu l'équivalent de Baudeloc et de la Bourbe ici, par exemple, où on formait également les sages-femmes. Voilà, où on formait les sages-femmes. Et après, donc je disais, il faut attendre la fin des années 20, pour ce qui est Istanbul, et les années 1930 au Caire, pour voir donc des femmes, alors ça doit être plutôt dans les écoles de médecine missionnaires de Beyrouth. Là, il y a eu plus de femmes plutôt, mais encore. Mais donc la formation professionnelle de médecin est très, très tardive du côté des femmes, et donc c'est encore les daïas qui ont continué à accoucher et faire toute la médecine des femmes pendant très longtemps. Une dernière question. Alors, la psychiatrie, c'est les Anglais, en fait, qui l'ont lancée. Donc, à la fin du 19e siècle, c'est eux qui ont fondé. Alors, évidemment, il y avait une prise en charge, il y avait dans les bimaristans, c'est-à-dire les hôpitaux, du moins le cas en Égypte, les hôpitaux traditionnels, hein, ceux qui étaient hérités de la grande tradition de la médecine arabe, ne servaient plus guère au 19e siècle qu'à accueillir justement les aliénés. Ce sont les Anglais qui se sont préoccupés, ou alors évidemment ils sont pris ou ils sont laissés dans l'espace public, hein, puisqu'il n'y a pas une stigmatisation aussi forte de l'aliéné dans cette région qu'on a pu la connaître en Europe. Et c'est justement effectivement les Anglais qui se sont préoccupés du problème de la psychiatrie et qui ont fondé le premier hôpital psychiatrique au Caire. À l'extrême fin du 19e siècle ou aux premières années du 20e siècle, si mes souvenirs sont bons, avec effectivement, dès lors, une forme. Là aussi, on rentre évidemment dans un système de biomédecine, enfin de la médecine occidentale, mais à côté de ça, le fou demeure une figure de l'espace public, de la région. Merci. Nous sommes obligés d'arrêter là cette première partie de la journée.